Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'interdire aux directeurs des écoles de ne pas renvoyer les élèves qui auront l'âge de voter en 2020 pour ne s'être pas acquitté de leur contribution de 1000 francs burundais aux prochaines élections. Et c'est la satisfaction à la Fédération des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. Et certains politiciens burundais ne divergent pas trop sur le sens à donner à la démission de l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa dans la facilitation dans la crise burundaise. Une fin normale d'un mandat. Pour certains, d'autres ajoutent qu'ils ne portent pas la responsabilité personnelle des blocages qui ont eu lieu. Vous les entendrez. Et nous parlerons également des femmes séropositives et allaitantes de la province de Kirundo qui sont sous le protocole prévention de la transmission du VIH et SIDA de la mère à l'enfant. Reportage à suivre. Et dans la chronique environnement, un expert nous expliquera comment corriger un sol acide à l'aide de l'engrais chimique. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le parti UPD Zigamibanga dit ne pas être étonné par la démission de Benjamin Mkapa à la facilitation dans le dialogue inter-burundais, car, explique-t-il, sa mission avait presque touché à sa fin. Abdoul Kassim, président de ce parti, réagit après que le facilitateur Mkapa ait annoncé ce jeudi la fin de ses services à cette mission qui lui avait été confiée par les chefs d'État de la communauté est-africaine. Il salue ses réalisations et affirme que son parti prendra part à une autre session de dialogue convoquée, à condition qu'elle ne perturbe pas le processus électoral de 2020. Suivez-le, il s'entretient avec Elini Bell, Nibigira. Au niveau du parti PDS Gamiwanga, nous avons entendu le message du facilitateur Benjamin Mkapa. Nous voudrions d'abord lui remercier pour tous les efforts qu'il a fournis pendant tous les rounds de dialogue. Pour comprendre cette attitude, il faudrait d'abord partir de sa déclaration qu'il a faite au mois de décembre en 2016, quand il déclarait lui-même qu'au Burundi, la paix et la sécurité règnent. Au mois de novembre-décembre 2017, il avait appelé à un quatrième round de dialogue où presque tout le monde avait répondu. Vers la fin, il avait tressé un rapport condensé des points de divergence et des points de convergence. Au regard de ce rapport, on peut constater qu'en réalité, les points de divergence étaient au nombre de deux. Et pour cela, je crois que la mission du facilitateur devait toucher à sa fin parce qu'à ce moment-là, tous les acteurs politiques ont les yeux branchés sur les élections 2020. Mais le facilitateur Mkapa avoue avoir échoué. Où est-ce que vous placez son échec? Au niveau du parti, nous ne pensons pas que le facilitateur Mkapa ait échoué. Plutôt, il a fait honorablement son travail. On aurait tout simplement aimé qu'il puisse avoir un autre round où il clôture solennellement le processus de dialogue inter-burundais de l'extérieur. Il dit que les chefs d'État ne l'auraient pas soutenu suffisamment, mais je pense que là aussi, ce n'est pas tout à fait correct parce que à chaque fois qu'il y a eu dialogue, il a toujours donné rapport au sommet des chefs d'État de l'EAC, les mêmes chefs d'État qu'il avait désignés, qu'il encourageait à convoquer un autre round suivant. La dernière fois, au mois de février, le 1er février de cette année, je crois qu'il a également donné son rapport. Après sa démission, que devrait être la suite? La suite, ce n'est que appeler tout le monde aux élections 2020. Je crois qu'il ne reste que quelques mois. On n'a même pas 12 mois, il reste quelques mois pour qu'on fasse les élections. Je crois qu'on devait ensemble préparer les élections 2020. Le facilitateur Mkapa plaide également pour la poursuite des pourparlers, suivant la feuille de route issue de la récente session de dialogue inter-burundais. Si jamais convoqué, vous répondrez présent? Si une fois un autre round de dialogue était convoqué au niveau du parti, on y répondrait. Abdoul Kassim, président du parti UPD Zigamibanga. Et pas étonnant que le facilitateur dans la crise burundaise ait remis son tablier. C'est le point de vue de la coalition Amizero ya Barundi. Le porte-parole de cette coalition indique que Benjamin Mkapa n'a pas eu un soutien convenable, bien qu'il ait accompli un travail louable. Tassien Sibomana dit néanmoins qu'il garde l'espoir à la poursuite de ce dialogue, puisque cette question est aujourd'hui dans la main des chefs d'État de la communauté est-africaine. On l'écoute. Pour nous, ça n'a pas été une surprise. Il avait bien dit, parce que justement, il estimait que les chefs d'État et le médiateur n'ont pas fait assez pour contraindre le gouvernement à rejoindre la table du dialogue. Comment est-ce que vous appréciez son œuvre depuis le début jusqu'au moment où il a remis sa démission? C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, mais Mais analyser de près le travail qu'il a abattu, nous, nous estimons qu'il a fait un travail extraordinaire. Parce que finalement, il ne détenait pas la clé du problème, la solution du problème. Parce qu'il était, il n'était que simple facilitateur, comme il aimait le dire. Avez-vous de l'espoir en la poursuite de ce dialogue et quel est son avenir? Nous avons toujours espoir. Si on n'avait pas espoir, on n'aurait jamais continué à nous battre pour que justement le Burundi sorte de la crise. Nous avons en plus l'espoir parce que la responsabilité majeure incombe au sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est qui, base du principe de la subsidiarité, avait dit aux Nations Unies et à l'Union africaine, on vous décharge de la gestion de la crise burundaise. Nous, nous gardons espoir parce que il en va de la crédibilité de ces chefs d'État, aussi de la crédibilité et de la fiabilité de la communauté de l'Afrique de l'Est en tant qu'organisation sur-régionale, que de vendre quand même qu'elle a pu trouver une solution à la crise. Faute de quoi, nous sommes convaincus que ces deux organisations ne vont pas jouer la complicité du défaitisme que peuvent jouer ces chefs d'État. Je pense que tout cela aidant, nous nous gardons toujours espoir que les chefs d'État qui officiellement ont accepté de rester saisis de la crise burundaise, je parle des présidents kényans, tanzaniens et ougandais, nous pensons quand même que tout cela aidant, ils vont aider le Burundi à sortir de la crise. Tassia Siboman et la Fédération des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, dit avoir bien accueilli la décision du ministre de l'Éducation interdisant aux directeurs des écoles de ne pas renvoyer les élèves qui auront l'âge de voter en 2020 pour ne s'être pas acquittés de leur contribution aux élections de 2020. C'est après que cette fédération ait adressé une correspondance à Janvier Ndilahisha, lui signifiant que le droit de cette catégorie d'enfants dans différents coins du pays était violé. Suivez Ferdinand Simbaruhije, c'est le secrétaire général de la FENADEB. Au niveau de la fédération, nous avions appris qu'il y a des enfants qui ont été renvoyés du fait que les parents n'avaient pas donné la contribution aux élections de 2020. Donc nous avions appris cela à partir de nos représentants dans différentes provinces du pays. Et alors que nous savons que le droit à l'éducation est reconnu par certains textes, que ce soit nationaux et internationaux, de plus de l'enfant, je citerai à titre exemplatif de la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 26. Et je citerai également la Constitution du Burundi en son article 19. Et bien entendu, je citerai également la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée par le Burundi, ratifiée par le Burundi en 1990. Donc l'article 3 de cette convention est assez clair parce qu'il est prise que chaque fois qu'il y a une décision, que cette décision doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Et quand nous avons pris cela, nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons adressé une note, une lettre de plaidoyer contre les mesures de renvoyer les enfants pour nos paiements de la contribution aux élections de 2020. Cette mesure de renvoi a été prise dans toutes les provinces. Nous avons seulement quelques provinces que nous avons eu des rapports. Il s'agit de la province de Makamba, de la province de Rumonge, de Gitega, de Muramvya et de Luigi. Au niveau de notre fédération, nous ne doutons pas que l'éducation pour tous reste un objectif du gouvernement du Burundi. Et la preuve en est que il y a quand même pas mal de politiques, notamment relatives aux réformes de l'enseignement pour une éducation de qualité. Et il y a également la mesure rendant l'éducation gratuite. Donc voilà, vous comprenez que quand même, il y a pas mal d'outils sur base desquels nous devions travailler dans la protection de l'enfance. Nous voulons encore une fois, sincèrement, saluer la mesure du ministre et l'éducation dans ses attributions pour la décision sage qu'elle a prise. Nous devons vraiment dire merci beaucoup, nous devons vraiment lui remercier du fait que plutôt la remercier et parce que chaque fois que nous adressons des correspondantes de plaidoyer, chaque fois elle répond et quand ça, la lettre est bien motivée, généralement elle est très favorable, nous devons alors la remercier. Également dans l'actualité, le Burundi compte mettre en place une autorité de régulation des médicaments et aliments. Le Conseil des ministres l'a décidé lors de ses travaux de mercredi et jeudi dans la nouvelle capitale politique Gitega. Le gouvernement burundais considère que les services en place n'arrivent pas à assurer certaines fonctions les plus spécifiques. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Nahougwamiye indique que le Burundi est le seul pays de la communauté est-africaine qui n'a pas encore mis en place une telle autorité. Suivez. La régulation du secteur pharmaceutique est assurée par le ministère en charge de la santé publique à travers le département de la pharmacie, du médicament et du laboratoire, ainsi que l'inspection générale de la santé publique et de la lutte contre le sida. Bien que le ministère arrive à accomplir globalement sa mission, certaines fonctions beaucoup plus spécifiques ne sont pas assurées faute de département technique autonome. La prolifération sur le marché burundais des aliments fabriqués industriellement de plusieurs origines et souvent non homologuées peut être à l'origine de certaines maladies. Pour mieux protéger la santé publique, il est nécessaire que les composantes des aliments et des médicaments soient régies sous une même autorité. Par ailleurs, les réformes en cours dans le domaine de la santé publique dans les pays membres de la communauté est-africaine, en rapport avec l'harmonisation de la régulation des médicaments et autres produits de santé, ne sont pas réalisables si cette problématique n'est pas prise en charge par une autorité autonome. Dans cette communauté, seul le Burundi ne s'est pas encore doté de cette autorité. Le présent projet vient mettre en place cette structure qui sera chargée de la régulation de tous les aspects en rapport avec l'assurance qualité et la sécurité des produits tels que les aliments préfabriqués et emballés, les médicaments à usage humain et vétérinaire, les produits phytosanitaires, les cosmétiques, les médicaments à base de plantes, les remèdes traditionnels, les dispositifs médicaux ou les matériaux ou substances utilisés dans la fabrication des produits dont la consommation peut nuire à la santé humaine et animale. Après échange et débat, le conseil a constaté que le projet nécessitait d'être réexaminé et une équipe a été mise en place pour le retravailler. Il sera ramené dans un délai de mois en même temps que le texte qui réorganise le bureau burundais de normalisation de qualité. C'était un extrait du compte rendu du Conseil des ministres de mercredi et jeudi lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Naourgwami. Santé toujours, près de 80 femmes séropositivées allaitantes de la province Kirundo étaient au 31 décembre dernier sous le protocole prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant sur plus de 1000 séropositifs suivis par l'ANSS Kirundo. Dr Guillaume Niterama de cette organisation confirme que ces femmes sont contentes d'avoir des enfants non infectés et lance ainsi un appel à d'autres de se faire dépister et aux porteurs de ce virus de ne pas le propager. C'est un reportage de Mireille Kanyang. Nimbangira kabiri burya mu kwisamanaho nyene nabigenjeje kwa kundi nyene nigira gatatu zagenze ko nyene aguma nitura abaganga Patricia Nahimana no cache pas qu'elle est séropositive. Elle habite la commune Kirundo, mère de trois enfants non infectés par le VIH sida. La joie se lit sur son visage. Elle dit avoir approché les médecins avant de concevoir. Patricia, c'est l'une des personnes vivant avec le VIH sida de Kirundo, suivie par la ANSS antenne Kirundo. Ce centre avait 84 femmes sous protocole PTME au 31 décembre, précise le docteur Guillaume Niterama, médecin à cette antenne. Au 31 décembre 2018, l'ANSS Kirundo avait une file active de 1067 personnes infectées par le VIH. L'ANSS Kirundo compte 84 les femmes enceintes et allaitantes donc, qui sont sous le protocole PTME. Parmi ceux-là, donc, nous avons 66 nouveaux cas qui ont été soit dépistés positifs et qui ont été mis sous traitement étant enceintes, mais aussi d'autres femmes qui étaient suivies dans notre structure, qui ont eu des grossesses et pour qui nous avons fait donc un suivi particulier dans le cadre de la protection de la transmission mère-enfant. L'adhésion à ce programme de prévention transmission mère-enfant s'observe également à l'hôpital de district de Kirundo, collaborant avec l'ANSS dans cette province pour certains examens. Là, nous rencontrons médiatrice Niyonsaba, infirmière chargée de la prise en charge des PVVIH et de la PTME. Nous donnons les conseils à ces femmes pour avoir des enfants sans VIH. Nous les expliquons l'alimentation en ce qui concerne l'allaitement exclusif, la période d'alimentation, les examens, les périodes des examens. Nous faisons les PCR et les sérologies à 9 mois et nous les expliquons la période de sevrage.